Les mots importants à retenir. Premier mot. Allah. Allah. Allah, c'est mon Dieu. C'est lui que j'adore. Allah. C'est lui qui nous donne tout. Et c'est lui qui a tout créé. Tout ce que tu connais et que tu vois, c'est Allah qui l'a fait. Et c'est Allah qui permet de le faire. Allah. C'est lui seul que l'on doit adorer. C'est à lui seul que tu demandes tout ce que tu veux. C'est pour lui seul que tu fais la prière. C'est à lui seul que tu demandes tes du'as. C'est Allah qui a les plus beaux noms et il est parfait. Deuxième mot. Le tawhid. Le tawhid. Le tawhid, c'est adorer Allah seul. Savoir que personne n'est comme lui. Toutes les adorations que tu fais sont pour Allah et pour personne d'autre. Ta prière, ton jeûne, ta zakat, ton pèlerinage, ta lecture du Coran, etc. Tout ceci est pour Allah seul. Et tu dois savoir que tout ce que fait Allah, il est le seul à le faire. Comme la création du monde. Donner la vie, donner la santé et faire tomber la pluie. Et c'est Allah qui est le plus grand. Et c'est lui qui est le plus fort. C'est lui qui connaît tout. Et c'est lui qui donne tout ce dont les gens ont besoin. Troisième mot. Le shirk. Le shirk. Le shirk, c'est donner un égard à Allah. C'est le péché. Il est interdit de faire l'adoration pour Allah. Par exemple, la prière, le ramadan, le pèlerinage, la zakat, du'a. Tout cela, tu dois le faire pour Allah. Si tu fais l'adoration pour Allah, alors appelle cela shirk. Et il est interdit de dire que quelqu'un est pareil que Allah. Si on dit que quelqu'un ou quelque chose est pareil que Allah, or c'est du shirk. Seul Allah dit la vie, la pluie, la santé, et il fait lever le soleil, et il le fait se coucher. Si on dit que quelqu'un d'autre que Allah peut faire tout cela, ceci est du shirk. Quatrième mot, l'islam. L'islam, c'est la religion d'Allah. C'est ma religion et celle de tous les prophètes. C'est la belle de toutes les religions. C'est la seule que Allah aime. L'islam a 5 piliers. La shahada, la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. Tous les prophètes ont enseigné l'islam à leur peuple. Et toi aussi, tu apprends l'islam comme l'a enseigné ton prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Cinquième mot. L'adoration. L'adoration, c'est tout ce que Allah aime. Tu les veux quand tu fasses pour lui. L'adoration, l'ibada, en arabe, c'est l'ensemble de toutes les paroles et les actes que tu fais pour Allah. Et que Allah aime. Tu obéis à ce qu'Allah t'a dit dans le Coran. Et tu prends le Mohammed comme modèle. L'adoration, c'est ta prière, ton jeûne, ta zakat, ton pèlerinage, ta lecture du Coran, etc. Sixième mot. Le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Allah a parlé lui-même pour nous dire ce qu'il faut faire dans la vie. Ses paroles sont dans ce livre. Le Coran, c'est l'ange Jibril qui a transmis le Coran au prophète Mohammed et le prophète Mohammed l'a récité aux gens. C'est le même Coran que tu lis et entends chaque jour. Septième mot, la shahada. La shahada, La shahada, c'est la ilaha illallah. Cela veut dire que seul Allah a le droit d'être adoré. C'est la parole que tu aimes dire. Et c'est la parole qu'aiment dire tous les musulmans. C'est la preuve que tu es musulman. La ilaha illallah. Résume tout le message du tawhid en quelques mots seulement. Huitième mot. Un prophète. Un prophète. Un prophète, c'est celui à qui Allah a donné le message du tawhid. Ce sont les meilleurs des hommes. Le premier d'entre eux était Adam. Et le dernier est notre prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah leur a confié un message, celui du tawhid. Et toute leur vie, ils ont fait le bien autour d'eux. Neuvième mot. Le paradis. Le paradis. Le paradis, c'est là où vivent les croyants, après la mort pour toujours. Les musulmans, les bonnes personnes, vont vivre heureux au paradis. Incha'Allah, tu seras au paradis avec tous tes amis et toute ta famille pour toujours. Dixième mot. Iblis. Iblis. Iblis est un djinn méchant et mauvais. Il est mon plus grand ennemi. Iblis a été créé de feu et il vivait parmi les anges, bien que lui-même était un djinn. Mais le jour où Allah a créé le premier homme, Adam, Iblis a refusé d'obéir à Allah et il ne s'est pas prosterné. Il a été maudit par Allah et il est devenu le plus grand ennemi des hommes.